Darkness. Résurrection. On fait chier dans vos assiettes, trop de raquettes envers le peuple indirectement. Tu prends pour des bêtes ma génération, c'est le fruit de l'occupation de ce gouvernement. Le problème vient de vous, trop de sales races, à croire qu'ils veulent supprimer la classe moyenne. On s'adresse à vous comme on parle aux pétasses. Tu tiens les rênes, ok. Tiens une troupe de chèvres dans les mains des bergers, mais les loups sont lâchés, immergés de réalité, danger. La télévision vendeuse de rêves nous entoure, on crève d'envie de sortir de ces corps amortis. Le sort qui pèse sur nous, ils prennent l'or et on reste dans le flou. C'est l'heure de la révolte, l'heure de mettre en compte l'heure. Façon de faire mettre à zéro les compteurs. Tu comptes nous baiser éternellement. Les rôles seront inversés le jour du soulèvement. Révolte enclenchée, guerre déclenchée. On va s'élever des têtes sans plancher. Exécute le max sans plancher. On fait pencher la balance. Plus personne ne peut empêcher les services. Car la jeunesse est en transe. Y'a longtemps que les présidents élus par leur peuple n'ont aucune reconnaissance. On crée la nouvelle essence. Du rap sale pour faire oxygène pour nos frères. Et dans les blocs c'est la renaissance. Ne peuvent rien faire car les étudiants luttent avec résistance. Ils veulent installer leur CPE avec résistance. Rien n'avance parce que rien ne change. C'est pour ça qu'on rappe avec cette rage intense. Laissons une chance qu'on échange de rôle qu'on prenne le monopole. Donnons un micro à l'assemblée nationale qu'on crache. On fait nos semences si nos fils sont si illégites. Alors pourquoi croyez-vous qu'on fume tous ces produits illicites? Croyez-vous cramer des voitures, ça nous excite? Mais y'a que comme ça qu'on peut montrer qu'on existe. Car c'est que par l'enflamme que nos cités les suscitent. Et non grâce à ce gouvernement qui suscite la prison, soi-disant nos frères se suicident. Battu à mort par l'engage, on reste lucide. Résurrection, on sort nos têtes de l'enfer d'une longue immersion. Cause à la dissection de leur état qui fait diversion. La rage dans nos sections déclenche l'insurrection. Par ce rap en érection, résurrection. On sort nos têtes de l'enfer d'une longue immersion. Cause à la dissection de leur état qui fait diversion. La rage dans nos sections déclenche l'insurrection. Par ce rap en érection. Ils nous traitent comme de la chiasse. La merde s'accumule. Regarde ce qui se passe. Et tu veux qu'on capitule. Comme heure assoiffée, comme en période de canicule. Ils calculent tout jusqu'à la moindre particule. On sait que tu hautes ton échelle, tu nous manipules. Stop tes discours à double sens et articule. Ils nous bourrent de taxes, attitude ridicule. Tous les jours ils nous taxent, on a avalé la pilule. Ils nous prennent pour des esclaves, nous condamnent sans gratitude. Bref dans les élections pour prendre de l'altitude. Certitude, ils nous serrent en titube. Les seuls insurrections sauveraient notre vie. De cette lassitude, de ces magistrats pas trop corrompus, multitude. Problème